C'est parti pour le petit enregistrement pour Twitter. Avec la carte kiwi, évidemment. Je ne fais jamais mes enregistrements sans ma carte kiwi. Vous pouvez l'entendre d'ailleurs ici. C'est moi, coucou. Non, ça c'est Tuki, c'est de la merde. Écoutez, la carte kiwi. Non, je déconne, c'est une tétine. Bon, allez. C'est parti. J'aurais juré l'avoir vu par ici. J'aurais juré l'avoir vu par ici. Bon, ferme ta gueule. J'aurais juré l'avoir vu par ici. Mais tu rigoles en même temps? J'aurais juré l'avoir vu par ici. J'aurais juré l'avoir vu par ici. Je ne sais pas ce que je cherche, mais j'étais sûr que je l'avais vu dans le coin. Je te suis. Je te suis de loin parce que je suis au fond. Que le peuple s'agenouille devant moi. Troubadour du roi, j'ai mon propre troubadour. Troubadour du roi, j'ai mon propre troubadour. Allez, au pied, sale mécréant. Troubadour du roi, j'ai mon propre troubadour. C'est complètement naze, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Ouais. Non. Ouais. Le roi Grushkov 3. C'est moi le roi. Ah, c'est moi le roi. Empiffrez-vous comme jamais, mes amis. Je suis Bob Lennon. Empiffrez-vous comme jamais, mes amis. Ouais, je vais la jouer comme le maire parce que voilà, c'est comme ça. Franchement, oui, ben moi j'ai plus de pain pour faire semblant de manger, alors je vais manger ça. Franchement, il n'y a pas à dire, ces côtelettes sont tout à fait succulentes. Franchement, il n'y a pas à dire, ces côtelettes sont succulentes. Tout à fait. Franchement, il n'y a pas à dire, ces côtelettes sont tout à fait succulentes. J'aime manger le gras. Car je suis gras. Sinon, mon ami, comment allez-vous? Sinon, mon ami, comment allez-vous? Comment allez-vous? Non, moi je m'en bats les couilles. Comment allez-vous? Retournez jouer de la musique, vous. Retournez jouer de la musique, vous. Il en est que je ne suis pas d'accord. J'ai trouvé certes... J'ai trouvé cet ouvrage terriblement vide. Terriblement. À la place de particulièrement. J'ai trouvé cet ouvrage particulièrement vide. Il est vraiment nul. Par exemple, au troisième chapitre... Ça n'a aucun sens. Il récupère le petit objet, là, l'amulette. Eh ben, ça sert à rien. Plus tard dans l'histoire, il me semble que l'amulette, elle ne sert à rien. Alors pourquoi il y a tout un chapitre qui nous raconte pourquoi il récupère l'amulette? C'est complètement débile, je veux dire. Il aurait même pu l'offrir à sa gueuse ou sa promise, mais non, il ne l'a pas fait, c'est... Et plein de petits détails comme ça, comme les paysans d'ailleurs, les paysans qui ont l'air cultivés. Est-ce que vous avez déjà vu des paysans qui avaient l'air cultivés? Moi, je n'en vois aucun autour de moi. Est-ce que vous en voyez, vous? Non, non. Bah non, moi non plus. C'est comme ça. Les paysans ne sont pas cultivés. Ils ne peuvent pas parler avec les mots qui montrent là-dedans. C'est complètement débile. Ils ne peuvent pas cultiver et être cultivés. Effectivement, c'est ce que je me disais dans ma tête. C'est cultive ou soit cultivé, finalement. Et je ne cultive pas. Ça en dit long sur moi. Vraiment. Bref. Voilà. Vous n'avez pas mieux à faire que de me lécher les bottes, vous? Mais c'est vrai que le truc du chapitre 3, quand même, ça me reste en travers de la gorge. Hein. J'espère que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Vous n'avez pas mieux à faire que de me lécher les bottes, vous. Léchez-moi le cul, plutôt. Léchez-moi la merde que j'ai sur le cul. Oh, c'est dégueulasse. Vous n'avez pas mieux à faire que de me lécher les bottes, vous. J'avais même pas remarqué qu'il y avait une faute. Mais maintenant, je l'ai remarqué. Et je le dis. Et tu as mis me lécher avec un Z. Et ce n'est pas bien. Ça veut dire que Flynn et moi, on a mal fait notre boulot de lecture. Oui, vous êtes des merdes. Ne me faites pas rire. Vous savez bien que je vous ai épousé après avoir passé un contrat avec votre père. Ne me faites pas rire. Vous savez bien que je vous ai épousé après avoir passé un contrat avec votre père. Contrat qui, je vous rappelle, m'a coûter une certaine petite somme, alors que normalement c'est à votre père de me donner de l'argent. Oui, mais sur le coup, ça m'a pris beaucoup d'argent. Voilà. C'est du même niveau que ces torchons que ce pays ose appeler roman. C'est du même niveau que ces torchons que le pays ose appeler que ce royaume. C'est du même niveau que ces torchons que ce royaume ose appeler roman. C'est une merde là. Je n'aime pas lire. Mais je suis cultivé, contrairement au pécor qui cultive. Je vous l'interdis formellement. Je vous l'interdis formellement. Gratte les yeux. Espèce de petit gredin. Vous faites pas des chansons. Je vous l'interdis formellement. Quoi donc? Que je vous ai épousé juste pour être l'héritier de votre père et empoché par la même occasion tout l'or de Twitter? Vous êtes bien bête, ma chère. Quoi donc, que je vous ai épousé juste pour être l'héritier de votre père et empoché par la même occasion tout l'or de Twitter? Vous êtes bien bête, ma chère. Vous êtes vraiment conne, mais ce n'est pas étonnant vu que vous êtes une femme. Et une femme, ça ne cultive pas. Et ce n'est pas cultivé. C'est vrai, oui. Mais moi, tout le monde me déteste déjà. Hé! Mais arrêtez de me frapper avec ce steak! Arrêtez de me frapper avec ce steak! Arrêtez donc de me frapper avec ce steak, c'est vraiment pas gentil. Bouge! Aïe! Calmez-vous, ma chère! Pervers! Calmez-vous, ma chère! Calmez-vous, ma chère! Allons bon, si vous veniez par ici, je sais comment vous rendre à nouveau joyeuse. Allons bon, si vous venez par ici, je sais exactement comment vous rendre à nouveau joyeuse. Avec ma petite langue. Enfin, sur vos pieds, quoi. J'étais assez énervée quand j'avais parlé. Je sais pas. J'arrive pas à lire mon texte. Comment osez-vous, Gauche? Oui, mais je me suis foiré. Comment osez-vous gâcher du si bon vin? Comment osez-vous gâcher du si bon vin? Comment osez-vous gâcher du si bon vin? Arrêtez! Arrêtez! Il suffit. Stop. Il suffit. Quoi encore? Qu'allez-vous faire avec ça? Qu'allez-vous faire avec ça? Oui, Quelle horrible trahison de la part de la bourgeoisie! Et puis, je ne peux pas payer mes taxes, elles me reviennent! Oui, quelle horrible trahison de la part de la bourgeoisie! Et puis, je ne peux pas payer... Oui. Oui, quelle horrible trahison de la part de la bourgeoisie! Et puis, je ne peux pas payer mes... Et puis, je ne peux pas... Et puis, je ne peux pas payer mes taxes, elles me reviennent! Ce serait con, non? Comme si le peuple allait suivre ce pauvre troubadour. Comme si le peuple allait suivre ce pauvre troubadour. Cette merde. Encore vous? Que voulez-vous? Encore vous? Que voulez-vous? Que voulez-vous? Encore vous? Que voulez-vous? Quoi? Quoi? What? What the fuck? Pour la gloire de Twitter! Pour la gloire de Twitter! Pour la gloire de Twitter! Je dois beaucoup crier. Jamais, bande de pucelles en chaleur! Jamais, bande de pucelles en chaleur! Allez! Jamais. Jamais. Jamais. Non. Non. Non, pas le sanglier royal. Merde, j'arrive pas. Non, pas le sanglier royal. Je peux pas crier plus, là, on est en pleine nuit. Prends donc ça, ma bicote. Prends donc ça, ma bicote. Oh, prends donc ça, ma bicote, oui. Prends donc ça, ma bicote. Qu'est-ce donc? Un poulet? Passez-moi votre arc. Qu'est-ce donc? Un poulet? Passez-moi votre arc. Passez-moi votre arc, vous! Et je tac! Et je tac! Petite merde. Moi, faillir la bataille! Moi, faillir la bataille! Je crois qu'on a fait une connerie. Je crois qu'on a fait une connerie. Peut-être. Peut-être. D'accord. Même si cela ne me plaît guère, vous avez votre indépendance. D'accord. Même si cela ne me plaît guère, même si cela ne me plaît guère, vous avez votre indépendance. Oh que non, celles-ci, je les garde. Oh que non, celles-ci, je les garde, elles sont à moi. Pays indépendant de merde. Comment je pourrais dire merde? Pays indépendant de chiasse. Il n'y a pas... Pays indépendant de merde. Il n'y a pas un sou qui rentre. J'ai bien aimé le passage avec le poulet. J'ai bien aimé le passage avec le poulet. Oui, Apollo. Oui, Apollo. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais pas. Je ne suis pas en état de réfléchir. Bon, c'était nul, mais je l'envoie quand même. Voilà.